Ok, c'est triste, un pas sur la piste, les langues se crispent. J'arrive en tant qu'artiste, ça me parle d'une mouvement salariste. Trop c'est trop, je trop, c'est le projet, contient zéro risque. T'as bien capté que la phrase appelle une avec terroriste. J'ai fait 3 millions solo, est-ce que tu réalises? Quartier libre, les enfants maintenant qui veut tricher et triche. Je représente l'Afrique, la France, l'Europe, l'Asie. On a trop souffert de l'ascétisme, ascétique. Vos questions, je suis pique, commence à me taper sur les nerfs. Ces imbéciles se demandent si je suis multimillionnaire. C'est cool si tout ça, mais faut savoir si et quand ça coince. Séquence, un plan séquence, putain c'est con ça. Toujours en mille quand ça dégénère. Tout prend si c'est éphémère. Toujours en mille quand ça dégénère. Tout prend si c'est éphémère. Et montre-nous comme t'es belle. Quand j'ai les têtes et les joies qui s'en foutent de faire le zen. Et pendant son état va jusqu'à Baden-Baden. Tu te refais tout le film en attendant que la balle t'atteigne. Et montre-nous comme t'es belle. J'ai les têtes et les joies qui s'en foutent de faire le zen. Et jusqu'à Baden-Baden. Tu te refais le film en attendant que la balle t'atteigne. Ton calé au calé au jab. Ton calé au jab. Ton calé au jab. Ton calé au jab. Ton calé au jab. Ton calé au jab. Je prends mon produit vite, hey, où ta meuf est veuve. Je touche encore des rondes, ma mixtape, donc j'ai fait mes preuves. Sa grand-mère à Bruce Wayne, j'ai l'âge de mon vin. Pour compter mon oseille, faudra plus de mains. Je passe le Prado piano, dans mon 4 anneaux. Tu veux un tarot sur la planche, personne t'arrange. Nous on a ramassé ta gauche, dans le Viano. On sait ce qui passe de ta poche à ma sacoche. Ta pute te coûte un bras comme mon VVS. Oh VVS, j'suis dans un jazz, maracli dans la cesse. Ton mini S, ton air fait jazz. J'suis dans le middle, mais j'viens d'en dessous comme un test. Sors s'infuse, pilule translucide, comme Limitless. Toujours en mille quand ça dégénère. Tout prend si c'est éphémère. Toujours en mille quand ça dégénère. Tout prend si c'est éphémère. Et montre-nous comme t'es belle. Quand j'ai les têtes et les joies qui s'en foutent de faire le zen. Et pendant son état va jusqu'à Baden-Baden. Tu te refais tout le film en attendant que la balle t'atteigne. Et montre-nous comme t'es belle.